Chapitre 6 Passage en Autriche, 1812. C'est ainsi qu'après 10 ans de persécution toujours croissante, d'abord envoyé de Paris, puis relégué en Suisse, puis confiné dans mon château, puis enfin condamné à l'horrible douleur de ne plus revoir mes amis et d'avoir été cause de leur exil, c'est ainsi que je fus obligé de quitter en fugitive 2 patries, la Suisse et la France, par l'ordre d'un homme moins français que moi. Car je suis né sur les bords de cette Seine, où sa tyrannie seule le naturalise. L'air de ce beau pays n'est pas pour lui l'air natal. Peut-il comprendre la douleur d'en être exilé, lui qui ne considère cette fertile contrée que comme l'instrument de ses victoires? Où est sa patrie? C'est la terre qui lui est soumise. Ses concitoyens, ce sont les esclaves qui obéissent à ses ordres. Il se plaignait un jour de n'avoir pas eu à commander, comme Tamerlan, à des nations auxquelles le raisonnement fut étranger. J'imagine que maintenant il est content des Européens. Leurs mœurs, comme leurs armées, sont assez rapprochées des Tartares. Je ne devais rien craindre en Suisse, puisque je pouvais toujours prouver que j'avais le droit d'y être. Mais pour en sortir, je n'avais qu'un passeport étranger. Il fallait traverser un État confédéré, et si quelque agent français eût demandé au gouvernement de Bavière de ne pas me laisser passer, qui ne sait avec quel regret, mais néanmoins avec quelle obéissance, il eût exécuté les ordres qu'il aurait reçus. J'entrai dans le Tyrol avec une grande considération pour ce pays, qui s'était battu par attachement pour ses anciens maîtres, mais avec un grand mépris pour ceux des ministres autrichiens qui avaient pu conseiller d'abandonner des hommes compromis par leur attachement pour leur souverain. On dit qu'un diplomate subalterne, chef du département de l'espionnage en Autriche, s'avisa un jour, pendant la guerre, de soutenir à la table de l'empereur qu'on devait abandonner les Tyroliens. M. de H., gentilhomme tyrolien, conseiller d'État au service d'Autriche, qui, par ses actions et ses écrits, a fait voir le courage d'un guerrier et le talent d'un historien, repoussa ses indignes discours avec le mépris qu'il méritait. L'empereur témoigna toute son approbation à M. de H., et par là, il montra du moins que ses sentiments étaient étrangers à la conduite politique qu'on lui faisait tenir. C'est ainsi que la plupart des souverains de l'Europe, au moment où Bonaparte s'est rendu maître de la France, étaient de fort honnêtes gens, comme hommes privés, mais n'existaient déjà plus comme rois, puisqu'ils se remettaient en entier du gouvernement des affaires publiques, aux circonstances et à leurs ministres. L'aspect du Tyrol rappelle la Suisse. Cependant, il n'y a pas dans le paysage autant de vigueur ni d'originalité. Les villages n'annoncent pas autant d'abondance. C'est enfin un pays qui a été sagement gouverné, mais qui n'a jamais été libre, et c'est comme un peuple montagnard qu'il s'est montré capable de résistance. On cite peu d'hommes remarquables dans le Tyrol. D'abord, le gouvernement autrichien n'est guère propre à développer le génie, et de plus, le Tyrol, par ses mœurs, comme par sa situation géographique, devrait être réuni à la Confédération suisse. Son incorporation à la monarchie autrichienne n'étant pas conforme à sa nature, il n'a pu développer dans cette union que les nobles qualités des habitants des montagnes, le courage et la fidélité. Le postillon qui nous menait nous fit voir un rocher, sur lequel l'empereur Maximilien, grand-père de Charles Quint, avait failli périr. L'ardeur de la chasse l'avait tellement emporté qu'il avait suivi le chamois jusqu'à des hauteurs dont il ne pouvait plus redescendre. Cette tradition est encore populaire dans le pays tant le culte du passé est nécessaire aux nations. Le souvenir de la dernière guerre était vivant dans l'âme des peuples. Les paysans nous montraient les sommités des montagnes sur lesquelles ils s'étaient retranchés. Leur imagination se retraçait l'effet qu'avait produit leur belle musique guerrière, lorsqu'elle avait retenti du haut des collines, dans les vallées. En nous montrant le palais du prince royal de Bavière, à Innsbruck, il nous disait que Hofer, ce courageux paysan, chef de l'insurrection, avait demeuré là. Il nous racontait l'intrépidité qu'une femme avait montrée quand les Français étaient entrés dans son château. Enfin, tout annonçait en eux le besoin d'être une nation, plus encore que l'attachement personnel à la maison d'Autriche. C'est dans une église d'Innsbruck qu'est le fameux tombeau de Maximilien. J'y allais, me flattant bien de n'être reconnu de personne, dans un lieu éloigné des capitales où résident les agents français. La figure de Maximilien en bronze est à genoux, sur un sarcophage, au milieu de l'église, et 30 statues du même métal, rangées de chaque côté du sanctuaire, représentent les parents et les ancêtres de l'empereur. Tant de grandeurs passées, tant d'ambitions jadis formidables, rassemblées en famille autour d'un tombeau, étaient un spectacle qui portait profondément à la réflexion. On rencontrait là Philippe le Bon, Charles Téméraire, Marie de Bourgogne, et au milieu de ces personnages historiques, un héros fabuleux, Dietrich de Berne. La visière baissée dérobait la figure des chevaliers. Mais quand on soulevait cette visière, un visage d'airain paraissait sous un casque d'airain, et les traits du chevalier étaient de bronze, comme son armure. La visière de Dietrich de Berne est la seule qui ne puisse être soulevée. L'artiste a voulu indiquer par là le voile mystérieux qui couvre l'histoire de ce guerrier. D'Innsbruck, je devais passer par Salzbourg pour arriver de là aux frontières autrichiennes. Il me semblait que toutes mes inquiétudes seraient finies quand je serais entré sur le territoire de cette monarchie que j'avais connue si sûre et si bonne. Mais le moment que je redoutais le plus, c'était le passage de la Bavière à l'Autriche, car c'était là qu'un courrier pouvait m'avoir précédé pour défendre de me laisser passer. Je n'avais pas été très vite, malgré cette crainte, car ma santé, abîmée par tout ce que j'avais souffert, ne me permettait pas de voyager la nuit. J'ai souvent éprouvé dans cette route que les plus vives terreurs ne sauraient l'emporter sur un certain abattement physique qui fait redouter les fatigues plus que la mort. Je me flattais cependant d'arriver sans obstacle, et déjà ma peur se dissipait en approchant du but que je croyais assuré, lorsque, en entrant dans l'auberge de Salzbourg, un homme s'approcha de M. Schlegel, qui m'accompagnait, et lui dit, en allemand, qu'un courrier français était venu demander une voiture arrivant d'Innsbruck, avec une femme et une jeune fille, et qu'il avait annoncé qu'il repasserait pour en savoir des nouvelles. Je ne perdis pas un mot de ce que disait le maître de l'auberge, et je pâlis de terreur. M. Schlegel, aussi, fut ému pour moi. Il fit de nouvelles questions qui confirmèrent toutes que ce courrier était français, qu'il venait de Munich, qu'il avait été jusqu'à la frontière d'Autriche pour m'attendre, et que, ne me trouvant pas, il était revenu au-devant de moi. Rien ne me paraissait alors plus clair. C'est tout ce que j'avais redouté avant de partir et pendant le voyage. Je ne pouvais plus m'échapper, puisque ce courrier, qu'on disait déjà à la poste, devait nécessairement m'atteindre. Je pris à l'instant la résolution de laisser ma voiture, M. Schlegel et ma fille à l'auberge, et de m'en aller seul à pied dans les rues de la ville, pour entrer au hasard dans la première maison dont l'hôte ou l'hôtesse aurait une bonne physionomie. Je voulais en obtenir un asile pour quelques jours. Pendant ce temps, ma fille et M. Schlegel auraient dit qu'ils allaient me rejoindre en Autriche, et je serais partie après, déguisée en paysanne. Toute chanceuse qu'était cette ressource, il ne m'en restait pas d'autre, et je me préparais, en tremblant, à l'entreprise. Lorsque je vis entrer dans ma chambre ce courrier tant redouté, qui n'était autre que M. Rocca. Après m'avoir accompagné le premier jour de mon voyage, il était retourné à Genève pour terminer quelques affaires, et maintenant il venait me rejoindre et se faisait passer pour un courrier français, afin de profiter de la terreur que ce nom inspire, surtout aux alliés de la France, et de se faire donner des chevaux plus vite. Il avait pris la route de Munich, s'était hâté d'aller jusqu'à la frontière d'Autriche, voulant s'assurer que personne ne m'y avait précédé ni annoncé. Il revenait au-devant de moi pour me dire que je n'avais rien à craindre, et pour monter sur le siège de ma voiture en passant cette frontière, qui me semblait le plus redoutable, mais aussi le dernier de mes périls. Ainsi, ma cruelle peur se changea en un sentiment très doux de sécurité et de reconnaissance. Nous parcourûmes cette ville de Salzbourg qui renferme tant de beaux édifices, mais qui, comme la plupart des principautés ecclésiastiques de l'Allemagne, présente aujourd'hui un aspect très désert. Les ressources tranquilles de ce genre de gouvernement ont fini avec lui. Les couvents, aussi, étaient conservateurs. On est frappé des nombreux établissements et des édifices que des maîtres célibataires ont élevés dans leur résidence. Tous ces souverains paisibles ont fait du bien à leur nation. Un archevêque de Salzbourg, dans le dernier siècle, a percé une route qui se prolonge de plusieurs centaines de pas sous une montagne, comme la grotte de Posilippe à Naples. Sur le frontispice de la porte d'entrée, on voit le buste de l'archevêque. Et en bas, pour inscription, « Te saxa locuntur », les pierres parlent de toi. Cette inscription a de la grandeur. J'entrai enfin dans cette Autriche que j'avais vue si heureuse il y avait 4 années. Déjà, un changement sensible me frappa. C'est celui qu'avait produit la dépréciation du papier-monnaie et les variations de tout genre que l'incertitude des opérations de finance a introduites dans sa valeur. Rien ne démoralise le peuple comme ces oscillations continuelles qui font de chaque individu un agioteur et présentent à toute la classe laborieuse une manière de gagner de l'argent par la ruse et sans le travail. Je ne trouvais plus dans le peuple la même probité qui m'avait frappé 4 ans plus tôt. Ce papier-monnaie met l'imagination en mouvement sur l'espoir d'un gain rapide et facile. Et les chances hasardeuses bouleversent l'existence, graduelle et sûre, qui fait la base de l'honnêteté des classes moyennes. Pendant mon séjour en Autriche, un homme fut pendu pour avoir fait de faux billets au moment où l'on avait démonétisé les anciens. Il s'écriait, en marchant au supplice, que ce n'était pas lui qui avait volé, mais l'État. Et en effet, il est impossible de faire comprendre à des gens du peuple qu'il est juste de les punir pour avoir spéculé dans leurs propres affaires comme le gouvernement dans les siennes. Mais ce gouvernement était l'allié du gouvernement français, et doublement son allié, puisque son chef était le très patient beau-père d'un terrible gendre. Quelles ressources donc pouvait-il lui rester ? Le mariage de sa fille lui avait valu d'être libéré de 2 millions de contributions tout au plus. Le reste avait été exigé avec ce genre de justice dont on est si facilement capable, et qui consiste à traiter ses amis comme ses ennemis. De là venait la pénurie des finances. Un autre malheur aussi est résulté de la dernière guerre, et surtout de la dernière paix. L'inutilité du mouvement généreux qui avait illustré les armes autrichiennes dans les batailles d'Essling et de Wagram a refroidi la nation pour son souverain qu'elle aimait vivement jadis. Il en est de même de tous les princes qui ont traité avec l'empereur Napoléon. Il s'en est servi comme de receveur, chargé de lever des impôts pour son compte. Il les a forcés de pressurer leurs sujets pour lui payer les taxes qu'il exigeait. Et quand il lui a convenu de destituer ses souverains, les peuples, détachés d'eux par le mal même qu'ils avaient fait pour obéir à l'empereur, ne les ont pas défendus contre lui. L'empereur Napoléon a l'art de rendre la situation des pays, soi-disant en paix, tellement malheureuse que tout changement leur est agréable et qu'une fois forcés de donner des hommes et de l'argent à la France, ils ne sentent guère l'inconvénient d'y être réunis. Ils ont tort cependant, car tout vaut mieux que de perdre le nom de nation. Et comme les malheurs de l'Europe sont causés par un seul homme, il faut conserver avec soin ce qui peut renaître quand il ne sera plus. Avant d'arriver à Vienne, comme j'attendais mon second fils, qui devait me rejoindre avec mes gens et mon bagage, je m'arrêtai pendant un jour à cette abbaye de Melk, placée sur une hauteur d'où l'empereur Napoléon avait contemplé les divers détours du Danube et loué le paysage sur lequel il allait fondre avec ses armées. Il s'amuse souvent à faire des morceaux poétiques sur les beautés de la nature qu'il va ravager et sur les effets de la guerre dont il va accabler le genre humain. Après tout, il a raison de s'amuser de toutes les manières aux dépens de la race humaine qui le souffre. L'homme n'est arrêté dans la route du mal que par l'obstacle ou par le remords. Personne ne lui a présenté l'un et il s'est très facilement affranchi de l'autre. Moi, qui suivais solitairement ses traces sur la terrasse d'où l'on voyait au loin la contrée, j'en admirais la fécondité et je m'étonnais de voir que les dons du ciel réparent si vite les désastres causés par les hommes. ce sont les richesses morales qui ne reviennent plus, ou qui sont du moins perdues pour des siècles.